L'homme de la sixième race est un individu. L'homme de la sixième race est un individu. L'homme de la sixième race est parfaitement un individu. Qui peut marcher parmi les moissons, qui peut les faucher de temps à autre, mais qui ne peut pas se nourrir d'elles, parce que il n'est plus au service du fermier. C'est pour ça que la volonté, telle que je la vis, telle que j'essaie de l'expliquer, telle qu'elle est difficile à comprendre, fait partie du mystère de l'homme. Alors ne cherchez pas trop loin le mystère de l'homme. Ne le cherchez pas dans les grandes arcanes de l'ésotérisme et de l'occultisme et de la vie mystérieuse. Parce qu'un jour, vous comprendrez, si jamais vous avez accès à ces arcanes, que le mystère sera dans les yeux de ceux qui ne le comprennent pas, mais qu'il n'existera pas dans les vôtres. Ce sont les hommes qui crient le mystérieux, de par leur ignorance. Ce sont les hommes qui pointent et qui disent « Cet homme-là, c'est un homme particulier, c'est un homme spécial. » Mais l'homme réel ne se voit pas comme homme spécial. L'homme réel ne se voit pas comme homme particulier. L'homme réel n'a pas de mission. L'homme réel est réel. Et c'est en vertu de sa réalité qu'il se crée dans l'esprit de l'homme des conditions qui amènent cet homme à dire « cet homme est particulier » ou « cet homme est grand ». C'est de la merde, c'est de l'émotion, c'est de la spiritualité encore dans l'homme. Tous les hommes sont grands. Tous les hommes ont en eux le réel et aucun homme n'est plus grand qu'un autre. Et les hommes qui voient la grandeur dans un homme la voient parce qu'ils réalisent la petitesse en eux. Et tant qu'il y aura des petits hommes et des grands hommes, il y aura des disciples et il y aura des maîtres, il n'y aura pas de volonté sur la terre. L'homme ne peut pas vivre sans la volonté. Parce que c'est tout ce qu'il a. C'est la seule chose qui peut lui faire créer, développer son intelligence. Parce que sa volonté se butera contre des obstacles qui lui permettront de voir les illusions de ces obstacles pour que son intelligence devienne grande. La volonté de l'homme, c'est le fer rouge. Qui détruit les forts, qui détruit les moissons de la cinquième race. Je vous parle pour demain, parce que je sais qu'aujourd'hui, vous êtes encore au niveau du dialogue. Quelques-uns entrent dans la vibration. Et on ose, penser qu'on sait. L'homme ose penser qu'il sait. L'homme ose questionner. Et s'il savait que la raison pour laquelle il questionne, c'est parce qu'il ne sait pas. Parce qu'un homme qui sait ne questionne pas. Le savoir est de toute évidence. Et ce qui est le plus drôle, ce qui est le plus comique, dans ce temps où se confrontent l'involution et l'évolution, c'est que ceux qui sont les plus prêts à comprendre, de par la nature, de par le terrain spirituel, sont souvent ceux qui sont les plus éloignés. Parce que la spiritualité est un voile maudit qui cache le soleil et qui en crée un faux. Mais l'homme est dans ce soleil depuis des siècles. Et quand on est dans un soleil depuis des siècles, ce n'est pas facile de se tourner le dos. Et autant l'homme aujourd'hui, autant il est spirituel, autant demain il sera scientifique. Autant aujourd'hui il est émotif dans son intelligence, demain il sera parfait dans son intelligence. Autant il est émotif dans sa volonté, autant il sera parfait dans sa volonté. Et autant aujourd'hui il se crève d'amour, autant demain il construira avec ce pouvoir. Je ne peux pas chercher à convaincre l'homme. Je suis trop intelligent. Je ne peux pas chercher à aider l'homme. Je comprends trop la volonté. Je ne peux pas chercher à sympathiser avec l'homme. Parce que je connais trop l'amour. Et les lois de ces trois principes sont des lois anti-homme. L'amour est anti-homme. La volonté est anti-homme. L'intelligence est anti-homme de la cinquième race. L'intelligence, la volonté et l'amour sont les principes qui font partie de l'homme de demain, du sur-homme, de l'homme qui n'a plus de limites. De sorte que, connaissant ceci, je ne peux pas sympathiser ou m'allier ou supporter l'homme de la cinquième race. Mais je peux lui crier du fond de ma propre caverne. Et si le son parvient à ses oreilles, il comprendra. Mais entre le point où il comprendra le son et le point où il entrera dans la caverne, il y a du temps. Car il ne peut pas pénétrer dans la caverne de la façon dont il est construit. La volonté doit le reconstruire. La volonté doit aplanir ses émotions, son émotivité. La volonté doit le rendre réel à ses yeux. Un homme qui n'est pas réel à ses yeux ne peut pas rentrer dans la caverne. Il y a des gens qui appellent et qui disent ou qui blâment les forces qui gueule contre les forces et qui s'imagine parce que les forces ou parce qu'ils se conscientisent aux forces que ce sont les forces qui rendent leur vie difficile. Votre vie a toujours été difficile. La vie est difficile. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre votre vie au niveau des obstacles et votre vie il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est qu'aujourd'hui, vous commencez à comprendre qu'il y a dans l'homme une autre partie puissante, intelligente, qui agit. Et puisque vous avez cette conscience de cette autre partie, vous commencez à blâmer l'autre partie. Effectivement, l'autre partie est responsable. Mais elle l'était auparavant aussi, avant que vous ne sachiez qu'elle existait. Mais auparavant, la merde était supportée sur un plateau d'argent, tandis qu'aujourd'hui, elle est pure et simple. Et avant, vous deviez la transporter dans vos mains, et aujourd'hui, vous êtes obligé de la démêler. Et effectivement, l'autre partie qui a toujours contribué à la formation des obstacles, l'a fait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'intelligence. Si vous aviez de l'intelligence, si vous étiez intelligent, l'autre partie ne pourrait pas faire parce que l'autre partie fait partie de vous. Si vous aviez de la volonté, l'autre partie ne pourrait pas faire parce que vous avez de la volonté. Et l'autre partie, ça sert de quoi? De l'amour. Pour vous amener à vous vider émotivement, pour que ce sombrage, votre intelligence, par le déploiement de vos émotions, et pour que ce diminue votre volonté, les hommes s'imaginent que les forces en lui vont l'aider. Je vous dis que les forces dans l'homme ne l'aident pas. Ce n'est pas les buts des forces dans l'homme, c'est parce que l'homme ne connaît pas les lois de la vie qu'il pense ainsi. C'est parce que l'homme a été contaminé par le spirituel, par l'invisible. Les forces dans l'homme n'aident pas l'homme. Les forces dans l'homme veulent se réunir avec lui. Et en voulant se réunir avec lui, elles sont obligées de créer des obstacles pour qu'un jour sa volonté et son intelligence deviennent suffisantes à elles-mêmes pour que ses forces puissent travailler par le biais de cette intelligence qui deviendra son pouvoir et sa volonté qui deviendra sa puissance. C'est la seule raison des forces. Mais l'homme a la personnalité spirituelle du moineau. On lui verse les graines et il s'envole. Ah, effectivement, on rapporte. Faites comme les oiseaux du ciel. Mais est-ce que l'on prend? Non. On prend ce que l'on veut. Et effectivement, tout le monde veut être un moineau. Parce que quand on est un moineau, on ne souffre pas. Mais je vous dis une chose. Avant de devenir un moineau, il faut passer par un stage. Et ceux qui pensent que tout va s'arranger, Parce qu'ils font partie de la génération des moineaux. Parce qu'il y a des éleveurs de moineaux en haut. Vous allez frapper un nœud. Parce que la vie, c'est un marécage. Je vous le dis parce que je le sais. Je vous le dis pour demain. Seule la volonté peut vaincre les obstacles de la vie et créer en l'homme l'intelligence qu'il a de besoin. Les gens se plaignent que ça va pas assez vite. Et quand ça va trop vite, ils se plaignent qu'il y a trop de merde qui leur tombe sur la tête. Alors, d'une façon ou d'une autre, l'homme est pogné. L'homme ne peut pas vivre sur la terre consciemment, sans développer des épaules fortes. Il y a des gens qui se découragent à tous les points de vue, à tous les coins de rue. Et je le comprends. Mais la volonté, avec le temps, deviendra leur force. Mais cessez d'attendre après les petites faveurs. Si vous étiez en fusion, je dirais, il n'y a rien à faire. Parce qu'en fusion, il n'y a rien à faire. Mais vous n'êtes pas en fusion. Vous allez vers la conscience, vers la fusion. Et vous n'avez pas de raison avec tout ce qui vous est dit, tout ce qui vous est expliqué pendant des semaines et des semaines et des semaines, vous n'avez pas de raison de ne pas vivre des vies comme du monde. Et si vous vivez des vies qui ne sont pas comme du monde, c'est parce qu'il y a en vous de la merde. Et quand vous l'aurez suffisamment senti, vous arrêterez de la vivre. Tant que vous vous aurez suffisamment leurré, vous en deviendrez écœuré parce que la vibration, elle descend toujours. Elle descend, et elle descend, et elle descend. Si vous étiez en fusion, je ne vous verrais même pas. Parce que je n'aurais pas à vous voir. Le travail se ferait malgré vous. Mais comme vous n'êtes pas en fusion, le travail se fait avec vous. Et vous n'êtes pas seul parce que vous avez de l'instruction. Vous avez une façon de voir les choses qui vous est donnée de toutes les façons imaginables pour vous amener avec le temps à sortir de votre condition pour vivre votre vie comme vous la voulez, pour vous sentir bien dans votre peau. Et si votre volonté n'est pas suffisamment grande, la souffrance la fera grandir. Mais comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir de la volonté sans avoir de l'intelligence. Et on ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. L'intelligence dans l'homme, ça se mesure à l'échelle de ce qu'il veut. Et quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de l'éducation, je ne parle pas de l'intelligence qui fait monter qui construit des maisons. Je parle de l'intelligence de la vie, de l'intelligence de notre propre vie. Elle est toujours à la mesure, cette intelligence, de ce que l'on veut. Et nous devons pouvoir voir le jeu entre la volonté et l'intelligence. Et dès que la volonté s'applique, l'intelligence grandit. La volonté s'applique, l'intelligence grandit. Si la volonté ne s'applique pas à cause de l'émotion, l'intelligence n'est pas existante. Il y a un recul dans la vie mentale de l'homme. Certains me disent, ce n'est pas facile, la conscience. Je vous dis, la conscience, c'est l'aspect le plus difficile de la vie de l'homme. Il n'y a rien de plus difficile que la conscience. Parce que dans la conscience, l'homme n'a plus que lui-même. Ce n'est pas la conscience pure, la conscience cosmique, ce n'est pas le réel en puissance, en intelligence et en amour qui est difficile. Ça, c'est le gâteau de l'homme. C'est sa réalité. C'est normatif chez l'homme. Mais c'est le mouvement vers ça qui est difficile. Mais si l'homme était seul, je dirais, c'est pénible. Mais l'homme n'est pas seul parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui entrent dans la conscience. Et l'homme n'est plus seul parce qu'il y a sur le plan matériel un homme qui part. Mais l'homme est seul lorsqu'il se refuse émotivement d'engendrer en lui sa volonté et son intelligence. Parce qu'il y a toujours un prix qu'on doit payer quand on engendre de la volonté. Je parle de la volonté réelle. Il y a toujours un prix. Et les gens ne veulent pas payer le prix. Ils craignent de payer le prix. Et tant que l'on craint de payer le prix, on ne peut pas grandir dans notre intelligence. C'est un cercle vicieux, comme j'ai dit tout à l'heure. Et plus on avance dans la volonté, plus on s'aperçoit que la vie est un terrain d'infinies possibilités. Parce que, au fur et à mesure qu'on avance dans la volonté, on avance dans l'intelligence de notre vie. Et lorsqu'on avance dans l'intelligence de notre vie, on s'aperçoit de la puissance de cette intelligence. Et c'est pour là qu'on s'aperçoit de la puissance de notre mouvement dans la vie. On réalise ce que l'on peut faire dans la vie. Et c'est infini ce que l'on peut faire dans la vie. L'homme ne peut pas vivre dans une petite cour fermée toute sa vie sur la rue Sainte-Catherine. Il y a une planète entière. Il y a des pays. Il y a des mondes. Il y a des gens. Il y a beaucoup de vie sur la Terre. Il y a beaucoup sur la Terre d'espace pour que l'homme vive sa retraite d'une façon passablement relaxe. L'homme doit relaxer. L'homme doit un jour pouvoir ne plus avoir à travailler. Parce que travailler, c'est anti-homme. C'est anti-homme nouveau. Mais ça fait partie de la condition de l'homme ancien. Mais ça prend de l'intelligence pour ne pas pouvoir avoir à travailler. Et ça prend de la volonté qui crée l'intelligence. Mais la terre n'appartient pas à l'homme. La terre appartient à ceux qui ont le pouvoir sur l'homme. Elle n'appartient pas à l'homme. Et encore moins à l'homme spirituel. Parce que l'homme spirituel est trop con pour aller chercher ce qu'il veut. Parce que c'est un moineau. L'homme spirituel va chercher des brindilles d'herbe, comme tous les moineaux. De temps à autre, il prend les brindilles en Orient, de temps à autre, il les prend en Occident. De temps à autre, il les prend chez un gourou, et dans un autre temps, chez un professeur d'université. mais jamais il prend en lui-même. Et si l'homme ne peut pas prendre en lui-même sa propre nourriture, comment voulez-vous qu'il aille dehors dans la terre, qu'il aille dans les pays et qu'il vive une vie relaxe, harmonieuse, plaisante, en mouvement, en rencontre avec des gens qui sont sur sa longueur d'onde, dans un plan de travail créatif, plaisant, rémunérateur? Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de volonté, il ne sait pas comment construire. L'homme ne sait pas comment construire, parce que pour construire, il faut savoir ce que l'on veut construire. Mais l'homme ne sait pas ce qu'il veut construire, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Mais il sait qu'il veut grandir. Il sait qu'il veut devenir un moineau. Mais il ne sait pas ce qu'il veut. Et on lui a toujours dit que quand on est moineau, on ne s'occupe pas de ce qu'on veut. On va à la cage et on se fait nourrir d'autres brindilles. Et maintenant qu'on dit à l'homme qu'il ne s'agit plus de voler vers la cage, mais de voler d'une façon libre, au-dessus de la planète, dans le monde, voir le monde, vivre du monde, relaxer de ce qui est beau, parce que la planète Terre est une belle planète, à ce moment-là, il se pense coupable. Il est coupable! Il se dit, celui qui m'a nourri de brindilles pendant des années, des siècles, qu'est-ce qu'il va penser? Tout à coup, je pars dans le monde et à un certain moment, je m'aperçois que, oh, il faut que je retourne à la cage. Il a la crainte de l'infinité de son mouvement. L'homme est un sale moineau. L'homme doit reconquérir la terre. D'accord. La reconquête de la terre, la revitalisation de la terre viendra au fur et à mesure qu'il grandira en pouvoir, en conscience, en sagesse, en intelligence, en tout. D'accord. Mais en attendant, il doit commencer. Mais l'homme ne voit pas les choses ainsi. Il se dit, un jour, dans 20 ans, dans 30 ans, lorsqu'il y aura des grands changements dans le monde, à ce moment-là, on reconquérera la terre. Mais vous, in the meantime, qu'est-ce que vous allez faire? Vous asseoir sur vos fesses? Puis vous faire nourrir de brindilles? Prendre vos petites vacances deux fois par année? Si vous avez bien travaillé? Ce n'est pas tout le monde qui peut à ce moment-ci comprendre ce que je veux dire, mais je l'ai dit. L'homme est une mosaïque et il voit à travers la mosaïque. Et au fur et à mesure que la mosaïque change, il voit autrement. Et lorsque la mosaïque sera suffisamment changée, la musique de la vie sera aussi autre, et l'homme pourra commencer à vivre et à cesser de vivre des brindilles, des beaux livres et des belles paroles des maîtres. Parce qu'il aura engendré la volonté qui aura donné naissance à l'intelligence. Je veux fixer un point aujourd'hui dans l'esprit de tout le monde. Je veux faire comprendre aux gens que lorsque l'homme entre dans la conscience universelle, lorsque l'homme entre en lui-même, lorsqu'il prend possession de lui-même, il se produit en lui-même une impression qu'on le possède. Et cette impression est normale. Et si l'homme a la volonté, il viendra un jour où il ne souffrira plus de cette possession. On est obligé, pour faire comprendre à l'homme des choses, on est obligé de lui expliquer des choses d'une certaine façon. Et je vais vous expliquer aujourd'hui quelque chose d'une autre façon. Je vais totalement me contredire pour faire avancer une instruction. On dit qu'il y a des hommes qui souffrent du monde des esprits. Et j'ai dit qu'il y a des hommes qui souffrent du monde des esprits. Et j'ai dit qu'il y a des hommes qui souffrent du monde des esprits parce que je devais le dire, pour qu'il se crée dans l'homme une dualité, pour que l'homme réalise en lui la vibration de l'intelligence en lui. Et quand on est libre, on crée des formes et on les détruit. Parce que quand on est libre, on sait, et quand on sait, on sait tout, et quand on sait tout, on sait infiniment. Et lorsqu'on sait infiniment, on n'est jamais prisonnier de ce que l'on dit. Parce que l'esprit de l'homme qui est libre est un esprit créateur. Et autant l'esprit créateur peut soulever des idées, des montagnes d'idées, autant il peut les aplanir. Mais l'esprit créateur ne peut pas donner à l'homme l'instruction dans un temps qu'il pourrait lui donner dans un autre temps, parce que l'homme doit être nourri à la petite cuillère, même si ça frustre son orgueil intellectuel et spirituel. Mais l'esprit créateur sait, et comme il sait, il sait. Et je vais vous dire aujourd'hui que l'homme qui se sent possédé par les forces négatives, par les esprits négatifs et tous ces maux, n'est pas en fait possédé. Il est sans volonté. Il est sans volonté. Il est tellement sans volonté que son émotionnel, son mental, sont soumis à des lois vibratoires qui font que sa mémoire, que la mémoire antique de son évolution, lui revient constamment à l'esprit. De sorte que, je dis, qu'il est impossible à l'homme. Et quand je dis impossible à l'homme, je le dis dans le centre de mon intelligence. Je le dis en vertu de l'infinité de la compréhension. Je le dis en vertu du pouvoir que j'ai d'expliquer à l'homme tout ce qui doit être expliqué. Je ne le dis pas dans le cadre d'un ésotérisme expérimental. L'homme récolte ce qu'il a semé. Et ce qui revient à l'homme lorsqu'il entre dans la conscience, c'est ce qu'il a semé. Et un jour, lorsque l'homme sera suffisamment grand pour connaître les mystères de la vie, de l'intelligence, de la mémoire, surtout de la mémoire, il verra que la mémoire est un monde à une dimension. Et lorsqu'un homme vit dans un monde tridimensionnel et qu'il est en contact avec un monde d'une dimension, il lui est impossible de voir la différence entre le monde de la réalité et le monde de l'illusion spirituelle. Parce que le monde d'une dimension, le monde unidimensionnel, est simplement une mémoire. C'est pourquoi l'homme, lorsqu'il meurt, devient mémoire, mais il perd son identité. Mais comme il devient mémoire, on a l'impression qu'il a gardé son identité. Et il n'a pas gardé son identité parce que l'âme s'est retrouvée seule en dehors de l'astral. Et lorsque l'âme est sortie totalement seule en dehors de l'astral, il ne reste que la mémoire de l'homme dont elle se sert pour construire plus tard des véhicules nouveaux. Et si je dis ça aujourd'hui, c'est pour relaxer certaines personnes qui, à cause du fait qu'ils ne sont pas dans la fusion, ne peuvent pas supporter l'idée qu'ils sont envahis par des esprits négatifs. Ils ne sont pas envahis par des esprits négatifs. Ils sont envahis par eux-mêmes. Et un jour, l'homme comprendra qu'il n'y a qu'une réalité dans l'homme, et c'est sa réalité. Si vous prenez les gouttes d'eau dans l'océan, chaque goutte est indépendante et le tout forme la mer. Il en est de même pour les hommes. Chaque homme contient tous les éléments de sa réalité. Et il n'y a aucun élément extérieur qui peut pénétrer en lui et le posséder. Et ce qui lui semble être possession est l'affaiblissement de sa volonté à cause d'une trop grande émotivité et d'une incapacité de supporter la mémoire inconsciemment de son passé qu'il n'a pas connu. C'est pourquoi, quand je dis qu'un jour, le monde des esprits ne pourra plus rien sur l'homme, c'est parce que l'homme sera dans sa volonté. Et quand je dis qu'un jour, le monde des esprits devra se réincarner dans une forme quelconque sur un plan matériel, c'est que toute mémoire doit être réutilisée quelque part dans le temps, tridimensionnel. Et je le dis aujourd'hui pour faire confrontation et pour confronter la connaissance ésotérique et occulte mondiale. Je le dis aujourd'hui parce que je dois éclairer la compréhension de l'homme. Je dois faire comprendre à l'homme que l'homme est plus grand qu'il ne croit et que l'homme a plus en lui de pouvoir qu'il ne croit. Et regardez les gens qui sont supposément envahis par le monde des esprits. Regardez leur comportement et vous verrez universellement qu'ils sont faibles en volonté. Ce ne sont pas les têtes de cochon qui craquent. Les têtes de cochon peuvent passer par des périodes difficiles, mais leur tête de cochon éventuellement mettra un terme à la stupidité de leur mémoire. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à grandir, que l'homme commence à se sentir bien, que l'homme commence à respirer. L'homme qui se fait influencer à distance par un autre homme, il ne se fait pas influencer à distance par un autre homme. Il se laisse influencer à distance par un autre homme. Nuance. Je défie un homme d'influencer à distance un autre homme qui ne veut pas se faire influencer à distance. Je défie à la magie noire d'interpréter le rôle de domination chez un homme qui est centrique. Je défie ce qu'on appelle dans le temps ancien les forces sataniques ou les forces plutoniennes d'interpréter à leur volonté la destinée de l'humanité. Je défie tout ce qui est anti-homme. Parce que je sais. Et quand on sait, on est bien parce qu'on sait. Et l'homme de demain devra savoir. Je traduis le savoir pour le bénéfice de l'homme, mais l'homme un jour devra savoir par lui-même. Parce que le savoir d'un homme est le même que le savoir d'un autre homme, avec la seule différence que l'un peut l'expliquer avec une plus grande perfection que l'autre. Ce qui définit les rôles de l'homme dans l'évolution. Mais le savoir de l'homme est intégral et parfait lorsqu'il se montre la tête. Et lorsqu'un homme a un peu de savoir, il doit le garder. Il doit le supporter. Il doit vivre avec lui. Il doit l'aimer, son savoir, parce qu'un homme qui aime son savoir est un homme qui s'aime. Et un homme qui s'aime est un homme qui aime les hommes. Parce qu'un homme qui s'aime, parce qu'il a le savoir, comprend le savoir des autres hommes. Et c'est là que vient l'amour universel, l'amour cosmique, l'amour réel, l'amour, le principe de l'amour, l'énergie de l'amour. L'énergie de l'amour est une chose qui fait partie de l'homme qui sait aimer. Et un homme qui ne sait pas s'aimer ne peut pas aimer les autres parce qu'il y aura en lui une mémoire qui affectera son amour. Et la mémoire, ce sera la mémoire des vies antérieures. C'est impossible à un homme qui sait de ne pas pouvoir aimer, mais c'est possible à un homme qui sait de retirer son amour. Mais l'homme qui sait ne s'inquiète pas lorsqu'il retire son amour, parce que son amour n'est pas fondé sur l'émotion. Elle est fondée sur la sagesse du savoir. Elle est fondée sur l'intelligence. Et elle est concrétisée dans son expérience par la volonté. L'homme doit se méfier de lui-même. Parce que l'homme n'est pas lui-même. L'homme est mémoire. Et la mémoire dans l'homme doit être tuée. Parce que la mémoire dans l'homme contamine son présent. Et c'est pourquoi l'homme de demain ne pourra plus penser. Il n'aura plus accès à sa mémoire. Mais tant que l'homme aura la faculté de penser, il aura faculté de mémoire. Et la mémoire contient l'émotion et l'idée. Je dis à l'homme aujourd'hui que d'ici quelques années, l'autorité de tout ce qui est su sera renversée. L'autorité de tout ce qui a été interprété sera renversée. Parce que l'homme n'aura plus à mémoriser le passé. Et lorsque l'homme n'a plus à mémoriser le passé, il n'a plus besoin de sa mémoire du passé et il entre dans le présent de son infinité. Et son intelligence devient un glaive. Son intelligence devient un glaive. Et ce glaive, en relation avec le fer rouge de la volonté, trace et découpe ce qu'il doit faire dans la vie. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme est dans la vie. Et à ce moment-là, comme le temps ne l'inquiète plus, il entre lentement dans le futur. Il entre lentement dans le mystère. Il entre lentement derrière le voile. Et lorsqu'il est derrière le voile, il comprend tout. Il voit tout, il sait tout, et il continue à évoluer avec ceux qui sont de la même essence. Je mets l'homme en garde contre sa mémoire. Parce que la mémoire est à l'ego, ce que l'absence de la mémoire est à l'esprit. L'ego fonde sa science sur la mémoire. Il fonde son comportement émotif sur la mémoire. Il tue en lui l'intelligence parfaite. Il détruit en lui la possibilité de la volonté. Et ce que l'homme appelle les forces sataniques, ce que l'homme appelle les forces noires, ce que l'homme appelle les forces négatives, ne sont simplement que la vertu imparfaite de son savoir. Si on me demande « Est-ce que le mal existe dans le cosmos? » Je dis oui. Si on me demande « Comment le mal existe dans le cosmos? » Je dis « Parce que l'homme est ignorant. » Et si on me demande « Mais oui, mais lorsque l'homme sera conscient, lorsque l'homme sera parfait, est-ce que le mal existera? » Je dirai oui.